mes heures les plus précieuses entre les mains de cet art. Il casse des portes, perce des gorges, je l'embats très tard. Largement plus chiré qu'un authentique fumeur de pétard. L'inspiration crie au viol pendant que je la péta. Mes petits b-boys et petits gangsta, qu'est-ce que t'as? Ce n'est que de la musique et du plaisir en guest star. Mais ça génère du fric, de la jalousie égare. Celui qui s'égare croque le gâteau sans arroser ses gammes. Je confonds pas le gangstérisme et l'artistique. Même si soyons clairs et précis, ce n'est que de la musique brute. Car sur le terrain, personne ne règle ses comptes avec une flûte. Ils évitent la sincérité comme s'engager avec une pute. Juste un avertissement, le son c'est du divertissement. Et s'ils te disent le contraire, dis-leur bien que tous ces artistes mentent. J'ai la note qui tue comme Farine et Sniff ma farine. Et soit et oui à vie comme un Rastafari. Ce n'est que de la musique, tu vois Jean. Ce putain de rap sur mes épaules comme Cosette sur Jean Valjean. Que de la musique brute, musique brute, musique brute, musique. Ce n'est que de la musique, tu vois Jean. Ce putain de rap sur mes épaules comme Cosette sur Jean Valjean. Si elle a les critères, lui défonce son gros bondage, anti-garçon. Mais je rappe comme un cul. Difficile que t'admettes, je traverse d'autres mondes sans cocaïne. Passionné jusqu'à rapper pour même pas un verre de coca. Ça paye pop de temps en temps. Tous les 100 mètres monter son froc. Le taf s'entend dans l'addiction. Dans leur gueule, mon calse mouche. Restez bouche bée pendant que je fais mon petit bout de chemin. Vos sons valent quelques petits bouts de shit. Malédiction, je pars en guerre chercher mon chèque. Fais mon chier. C'est ça où je meurs, c'est le même but. L'album faut l'acheter, ce n'est que de la musique, cette même pute. Celle pour qui j'ai tout lâché, je n'ai plus lâcheté. La chienne, ça s'appelle la lâcheté. Okay. C'est que de la putain de musique brute. Ok, un magie traf. Ce n'est que de la musique, tu vois Jean. Ce putain de rap sur mes épaules comme Cosette sur Jean Valjean. Que de la musique brute, musique brute, musique brute, musique. Ce n'est que de la musique, tu vois Jean. Ce putain de rap sur mes épaules comme Cosette sur Jean Valjean. Brute, musique brute, musique brute, musique brute, musique. Ce n'est que de la musique, tu vois Jean. Ce putain de rap sur mes épaules comme Cosette sur Jean Valjean. Que de la musique brute, musique brute, musique brute, musique. Ce n'est que de la musique, tu vois le genre. Ce putain de rap sur mes épaules comme Cosette sur Jean Valjean. Si elle a les critères, on lui défonce son gros bondage, anti-garçon. Mais je rappe comme un cutter.